Les grands peintres de la Grèce. Apollodore, exercice d'Héraclée. Xerxès a fait notamment un athlète dont il fut si content qu'il écrivit au bas ce vers devenu célèbre. On en médira plus facilement qu'on ne l'imitera. On dit encore que Xerxès peignit plus tard un enfant qui portait des raisins. Des oiseaux étant venus voleter près d'eux, il se fâcha avec la même ingénuité contre son ouvrage et dit « J'ai mieux peint les raisins que l'enfant, car si j'avais aussi bien réussi, les oiseaux auraient dû avoir peur. » Pline cite alors des œuvres de trois autres peintres grecs avant de raconter cette anecdote sur un quatrième, Protogène. Parmi ces tableaux, on donne la palme à Ialysius, qui est à Rome, consacré dans le temple de la paix, tableau représentant un chasseur avec son chien. Il y a dans ce tableau un chien exécuté de manière singulière, car c'est autant le hasard qui l'a peint. L'artiste trouvait qu'il ne rendait pas bien la bave de ce chien haletant, alors qu'il était satisfait des autres parties, ce qui lui arrivait très rarement. Ce qui lui déplaisait, c'était la technique elle-même, qui ne pouvait pas diminuer et qui paraissait excessive et trop loin de la réalité. C'était de la peinture, ce n'était pas de la bave. Il en fut inquiet et tourmenté, car dans la peinture, il voulait la vérité et non la vraisemblance. Il avait effacé plusieurs fois, il avait changé de pinceau, et rien ne le contentait. Enfin, dépité contre cet art qui le laissait trop voir, il lança son éponge sur l'endroit du tableau qui lui déplaisait. L'éponge replaça les couleurs dont elle était chargée, de la façon qu'il souhaitait, et dans un tableau, le hasard reproduisit la nature. Protogène habitait alors à Rhodes un petit jardin situé dans un faubourg, c'est-à-dire dans le camp même de Démétrius qui assiégeait la ville. Les combats ne parvinrent pas à le distraire et n'interrompit en aucune façon ses travaux commencés, si ce n'est qu'il fut appelé par le roi qui lui demanda comment il restait hors des murs avec tant d'assurance. « Je sais, répondit l'artiste, que vous faites la guerre aux Rhodiens et non aux arts. » La peinture à Rome. Tullius fut le premier à imaginer de décorer les parois de peintures charmantes y représentant des maisons de campagne, des ports, des paysages, bois, bosquets, collines, étangs poissonneux, rivières, rivages, au souhait de chacun. Des personnages qui se promènent ou qui vont en bateau ou qui, par voie de terre, vont à leur maison rustique à dos d'âne ou dans des voitures. D'autres qui pêchent, tendent des filets aux oiseaux, chassent ou même font la vendange.